On va parler de golf avec notre ami Pierre-Alexandre Bédard. On fait le bilan de l'année. Pierre-Alexandre qui a été choisi golfeur de l'année au Québec. Salut Pierre-Alexandre. Salut Danny. Ben, golfeur de l'année au Québec, c'est quelque chose? Exact, c'est un très, très, très beau titre. Je suis très heureux de ça. En réalité, j'ai gagné le titre sur le PGA du Québec, en fait, qui était le Ouais. joueur de l'année québécois. C'est J'ai pas la première aussi fois que tu gagnes gagné ça le joueur de d'ailleurs, l'année hein? québécois. Non, c'est la deuxième fois que je remporte ce prix-là. J'ai remporté aussi le prix Mike Weir, le joueur de l'année au Canada, par les années passées. Mais sur les Ouais. deux circuits québécois qu'on a ici, ça a été deux victoires, en fait, là, deux joueurs de l'année québécois, ce qui je suis très content. Hey, écoute, ça est-ce que ça t'aide à trouver des commanditaires quelque ça se met bien dans un CV dans le fond, là? C'est sûr que c'est très bon pour un CV, c'est bon pour moi aussi envers mes commanditaires, ça leur prouve que mon jeu est bon aussi, puis que j'ai intérêt à aller plus loin, puis que je veux aller plus loin, ça fait que c'est toutes des choses qui sont très bonnes, c'est garanti. OK. Comment c'est sûr, ça a bien été, t'as été golfeur de l'année, mais ça n'a pas été une année, c'est comme tout le monde, ça a dû être une année bizarre pour Pierre-Alexandre Bédard, là. Exact, très bizarre. Entre autres, j'étais supposé jouer au mois de juin le tournoi de la PGA, le RBC Canadian Open, qui se OK. trouve à Toronto. OK. Ça a été mon premier tournoi du PGA Tour. Ça a été cancellé, puis on sait que les tournois, en fond, ils ont été cancellés jusqu'à la mi-juillet, fait qu'on a perdu la moitié de notre saison. Il y a plusieurs commanditaires aussi qui étaient dans les tournois qui se sont retirés. Donc, ça a créé des bourses qui étaient moins hautes que qui étaient supposées puis les années auparavant. Mais quand même, j'étais quand même chanceux parce il y a plusieurs personnes qui ont voulu prendre le golf québécois en main en installant plusieurs tournois, circuits. Donc, j'ai joué quand même entre 10 et 12 tournois, je dirais, cet été, ce qui est quand même très bien pour une moitié de saison. OK. Comment ça s'est. T'as parlé de gens qui ont finalement repris le golf. Est-ce que. Parce que Jean Trudeau, il avait lancé un circuit de golf, finalement, ben, pour des raisons de santé, il a abandonné. Ça a été repris de la même formule? Comment ça se passe, en fait? Je dirais que ça ressemble vraiment beaucoup, sauf que c'est deux jeunes qui ont décidé de OK. rebâtir un nouveau circuit avec un nouveau nom. Ils amènent un nouveau vent de fraîcheur. On a vu que il y a eu cinq tournois en fait cette saison avec le East Coast Pro Tour, puis les cinq tournois ont passé à TVA Sport, qui Okay. s'appelait l'émission Les Pros. Donc ça a été diffusé à TVA. Donc c'est un plus aussi pour nous, les golfeurs, en frais de visibilité, parce que avant, on n'avait pas accès à la télévision. On doit remonter à plusieurs années. Mais écoute, c'est sûr que là, vu que c'est des nouveaux, ils ont moins de commanditaires, ils connaissent un petit peu moins Ouais. le. Mais ils sont en train de grandir tranquillement. Puis écoute, je suis sûr qu'ils vont faire encore beaucoup de chemin dans les prochaines années. Puis c'est ça. OK. Est-ce que toi, l'an prochain, est-ce que c'est ça que tu vises? C'est sûr que là, la COVID, ça va changer bien des affaires, mais c'est évidemment, mais dans le monde idéal, c'est quoi? C'est de faire plus de circuits canadiens? C'est quoi en fait? Exact. C'est présentement ce que j'aspire, c'est sûr, c'est de jouer sur le Mackenzie Tour l'année Ouais. prochaine. OK. C'est le gros circuit canadien, si on veut, qui regroupe peut-être une vingtaine de Canadiens. J'attends toujours des nouvelles. J'étais supposé faire le tennis l'année passée à Montréal, ça a été cancellé. Donc j'attends. On n'est pas encore au courant s'il va y avoir réellement une saison l'année prochaine, avec les frontières qui sont encore fermées là, au niveau routier pour les voyageurs. Ça va compliquer la tâche. Donc, j'attends des nouvelles, mais c'est sûr que c'est l'objectif. Sinon, j'ai encore mon exemption pour l'année prochaine pour le tournoi de la PGA, qui va être encore au même terrain que c'était supposé à Toronto. Donc, il y a une bonne préparation qui s'en vient pour moi quand même là, cet hiver. OK. Dis-moi, cet hiver, tu vas-tu aller en Floride? Comment ça va marcher pour toi, là? Parce que là, c'est sûr que. Mais là, tu peux y aller, sauf que c'est une quarantaine, mais donc, il n'y a pas de problème, j'imagine. Exact. Dans le fond, l'année passée, j'étais revenu au Québec pour une semaine en mars, puis j'ai pas été capable de retourner en Floride. Donc j'ai encore ma voiture qui est restée en Floride là-bas. Aïe. Chez un ami. Fait que là, j'ai l'intention d'aller rechercher ma voiture. Je vais prendre l'avion, puis au final, ça fait bien parce que j'ai ma voiture est là-bas. Donc je vais être capable de quand même m'entraîner cet hiver. Je pense quitter en janvier, probablement autour de la mi-janvier. Je fais toujours, quand je suis en Floride, là, c'est n'y a pas beaucoup de niaisage, puis je ne vais pas vraiment nulle part. Je fais maison golf, puis une épicerie par semaine. Donc, c'est assez tranquille. Fait que j'ai pas trop peur de ce qui est de COVID. Puis il y a quand même encore des circuits en Floride présentement qui font des tournois de golf puis qui organisent des tournois. Fait que ça va être la meilleure préparation possible pour moi. OK. Ben Pierre-Alexandre, on va te souhaiter, on va te féliciter pour ta saison. Fort agréable également pour plaisir de se parler. Merci beaucoup, Dani. Le Bonne journée. golfeur de Chibougamau, Pierre-Alexandre Bédard, golfeur de l'année au Québec.